Effectuer un retour aux études ou poursuivre ses études, toutes les raisons sont bonnes. On vous offre un horaire à temps complet ou partiel, des cours de formation générale de jour et en soirée et la possibilité de débuter en tout temps. Contactez vos centres d'éducation des adultes à Saint-Félicien-Robertval, Dolbeau-Mistassini et Normandin. On va parler d'Ironman. Il y a un athlète de Dolbeau-Mistassini qui a participé au Ironman qui se déroulait samedi au Mont-Tremblant. Question de savoir comment elle a trouvé ça. On parle avec, vous la connaissez, elle est présidente du club de natation de Dolbeau-Mistassini, Sophie Chiasson. Bon après-midi, Sophie. Salut. Sophie, 69e de ta catégorie. Est-ce que tu es contente d'abord? Est-ce que c'est vraiment ce que tu t'attendais? Oh, ben garde, je suis vraiment contente là. Je pense que de franchir la ligne d'arrivée, de s'entraîner pour arriver jusque-là, c'est déjà un exploit. Puis la cerise sur le sundae, ben c'est de réaliser l'épreuve au complet là, de finir ce gros projet-là qu'on a commencé, ben, c'est de le finir justement en franchissant la ligne d'arrivée là, avec la médaille au cou. Là, je vais te dire que je la porte fièrement parce qu'il y a beaucoup de travail derrière ça. Oui. Est-ce que ça fait longtemps que tu t'entraînais? Ben c'est sûr que j'ai redoublé les entraînements là lorsque je me suis inscrite là parce que veux pas c'est sûr que pour s'engager dans un projet comme ça là ça prend quand même beaucoup d'heures d'entraînement puis c'est quand même écoute c'est une grosse année de travail là même si l'année d'avant je m'étais quand même j'avais pas lâché l'entraînement là j'ai comme poursuivi l'entraînement mais j'ai vraiment redoublé de d'heures d'entraînement là. OK, année, ça veut dire que t'as... C'était pas. Normalement, je vais prendre l'exemple d'un marathon, c'est 4-5 mois de préparation. Mais là, tu as parlé d'années. Donc, tu as travaillé toute l'année là-dessus? Ah oui. Ah oui, c'est sûr que je me garde quand même toujours en forme, là. Mais quand tu as un objectif comme ça, là, tu as juste ça en tête, là. Fait que tu travailles toujours dans ce but-là, là, de toujours améliorer au niveau. Parce que tu as trois disciplines, hein? Tu travailles toujours pour améliorer ta natation, ton vélo puis ta course, là. Fait que c'est toujours dans le but de le terminer le mieux possible. Là. OK. Est-ce que tu. Quelle a été l'épreuve que tu as trouvée le plus difficile des trois, là? Bien, le plus difficile, je te dirais que c'est la course. De terminer avec un marathon, j'étais quand même très bien entraînée à la course. Puis j'ai eu un petit problème au niveau d'un genou. Puis, aussitôt que j'ai débarqué de mon vélo, j'ai un genou qui a commencé à me faire mal puis qui m'a empêché vraiment de courir de la façon que j'aurais voulu. Ça fait que j'ai dû utiliser des anciennes méthodes de marche forcée pour réussir à parcourir mon marathon. Mais garde un pas en avant de l'autre, ça marche quand même. Ça fait que j'ai réussi à franchir la ligne d'arrivée quand même tout en un morceau. OK. On dit que moi, j'ai déjà fait des demi-marathons puis j'ai trouvé l'épreuve plus dure... plus dur dans la course que durant les entraînements. Est-ce que c'est la même affaire? Ben c'est sûr que quand c'est l'épreuve qui est là, ben quand tu es dans un Ironman, dans un triathlon, tu termines par la course. Déjà, comme là, moi j'avais pratiquement, j'avais 3,8 km de fait. J'avais 180 km de vélo de fête dans le corps. Fait que là, je m'enlignais pour un marathon. Fait que j'avais 42,2 km à faire de course. Fait que c'est sûr que tu gères pas cette course-là comme si tu gérais juste un marathon, là. Puis je dis juste un marathon, c'est pas juste un marathon parce que c'est vraiment gros. Mais quand tu as déjà toute ces deux disciplines-là aussi dans les jambes, puis dans les bras, puis dans le corps au complet, ben tu comprends que la gestion de la course est un peu différente, là. Okay. Tu peux pas avoir un pace de course comme quand tu te prépares pour un marathon, tu te prépares sur trois disciplines différentes. Ouais. Est-ce que c'est plus dur en réalité que tu pensais que ce serait? Non, je vais te dire, ben honnêtement, là, j'étais très concentrée, j'avais le focus vraiment là, la détermination de terminer, puis j'ai jamais comme il y en a ben souvent qui vont dire écoute tu vas frapper un mur, ça va être dur, puis tu feras plus jamais une affaire de même, ça n'a pas de bon sens. Je peux pas te dire ça sérieusement. C'est pas facile. C'est sûr que oui, ça se fait, mais il faut être entraîné. Puis il faut travailler fort. Puis je pense que le mental, c'est très important. C'est autant travailler le mental que le physique, là. C'est deux choses qui vont ensemble pour réaliser une épreuve d'une telle envergure. Ben oui. Du côté alimentation, ça, il faut surveiller ça beaucoup, j'imagine aussi. Oui, parce que Garve veut pas dans la compétition, là, c'est sûr qu'il y a des petits stands un petit peu partout, mais il faut que tu ailles gérer avant la course puis pendant là, ton alimentation, parce que tu sais, faut pas que tu sois en manque d'énergie, faut pas que tu deviennes déshydraté. C'est beaucoup de gestion. OK. Ironman, c'est combien de temps? En temps, là, ben, c'est ça. 17 heures. C'est 17 heures pour compléter l'événement. Il faut rentrer avant minuit. 17 heures, OK. Donc, ouais, 7 heures. C'est quoi, 7 heures tu l'as fait? C'est en 7 heures tu l'as fait, finalement? Donc, c'est quand même très bon, là. Pardon? C'est quoi? Combien? 7 heures, j'ai vu. Ça se peut-tu? Non, 14 heures. Ah, 14 heures, que j'avais peut-être mal vu. Oui. Mais, mais c'est quand même bon, 14 heures, pareil, là, parce que tu avais encore un peu de jus aussi, là. Oui, mais je veux dire que quand tu es là, le temps, là, c'est ça. Ce que tu veux, c'est franchir la ligne d'arrivée. Fait que peu importe le temps que tu vas faire, ouais, là-dedans, okay. Là, de le faire, là, c'est gagnant, là. OK. Dis-moi, tu veux-tu leur faire une épreuve? Est-ce que c'est quelque chose que tu voudrais faire? Ben, je dis pas non, là, mais je le ferai pas demain matin, là, je vais le dire. C'est sûr et certain. Sophie, dis-moi, est-ce que, donc, j'imagine que tu vas prendre une couple de jours de repos, une couple de journées de congé, et puis peut-être te réentraîner pour la forme après? Ah, ben, c'est sûr, parce que, regarde, ça fait partie de moi, là, l'entraînement, puis, quand même garder une bonne discipline de vie, tout ça, fait que c'est sûr que je vais continuer à m'entraîner, mais oui, je vais prendre des petites journées pour refaire les muscles, refaire les jambes, là, c'est sûr. As-tu beaucoup de courbatures? Non, c'est pas si pire, là, les jambes, là. Les jambes sont un petit peu raquées, là. Ouais. Là, le genou qui m'a donné un petit peu de fil à retordre, c'est sûr qu'il est un petit peu plus raide, là, mais ça va se passer, là, gars, c'est rien. Okay. En terminant, tu es présidente du club de natation de Dolbeau-Missisni. Comment ça va, là? Est-ce que le fait qu'il y ait eu une annonce d'une piscine à Dolbeau-Missisni éventuellement, est-ce que ça l'a un petit peu fouetté le membership? Ah, ben c'est sûr que oui, là, regarde, c'est une belle nouvelle. On était tous contents, là. Puis encore cette année, là, je devrais avoir encore. Quand même, j'ai beaucoup de nageurs qui reviennent. Puis on souhaite toujours augmenter, mais là, avec l'arrivée de la nouvelle piscine, ben là, c'est officiel que ça va être aidant là, pour augmenter là, le nombre de membres, là, parce qu'on va avoir plus d'heures, plus de couloirs et tout ça. Fait que ça va être plus facile d'avoir plus d'inscriptions là, que d'en refuser, parce que là, on était rendu qu'on n'a pas le choix un petit peu d'en refuser parce qu'on manque un petit peu d'espace. Ouais, effectivement. Sophie Chiasson, félicitations, bravo, puis au plaisir de se parler. Ben, t'es super gentil, merci beaucoup. Voilà, Sophie Chiasson de Dolbeau-Missisni qui a participé au Ironman du Mont-Tremblant.